Salut à tous, on se retrouve pour un numéro de Manche Disque, donc l'épisode 6, où on va vous parler, comme d'habitude, de nos trouvailles musicales passées, donc des années 80 et aussi des albums un petit peu plus récents. Et pour ce numéro 6, je vais retrouver Spades. Comment ça va Spades hein, ce soir ? Très bien Murdoch. Donc c'est toi qui est aux manettes aujourd'hui ? Oui, les manettes, on va dire, chacun en tient une, hein, comme ça on est bien. Voilà, tout à fait. Chacun sa manette, chacun son joystick. Pour ce soir, on va choisir un édito un petit peu particulier, dans le sens où écouter de la musique tranquille chez soi, c'est bien. Mais sortir, des fois, c'est un peu mieux. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça qui te viennent direct de concert ? Eh ben, l'un des trucs les plus marrants, c'est quand même qu'on a tous les deux une salle très importante pour tous les deux en commun. Donc on est tous les deux, on va dire, Dijonais, soit d'origine, soit de cœur. Ouais. Et à Dijon, il y a une salle qui est mythique pour toute la jeunesse qui a vécu là-bas depuis, oh là, tellement longtemps. Oui. C'est une salle qui s'appelle La Vapeur. Donc, comment présenter La Vapeur ? Comment tu dirais, toi, qui... Alors, La Vapeur, moi, j'ai connu déjà Dijon sans La Vapeur. Alors, pour ceux qui ont connu Dijon sans La Vapeur, c'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de salles où il pouvait y avoir des groupes. Mais La Vapeur, c'est un complexe, en fait, où il y a deux salles de spectacle, une grande, une petite, et aussi des studios de répète. C'est vraiment quelque chose qui a amené un peu de vie supplémentaire à la ville. Oui, ça a amené une vie musicale à la ville, c'est clairement. Ça, ouais. Moi, je l'ai connu plus sur la fin des années 90. Mmh. Et c'est une salle assez particulière, dans le sens, comme tu dis, il y avait beaucoup de salons de répète. Et moi, une des salles que je préférais, c'était la petite salle. Ouais, le petit café-concert. Voilà, parce que en fait, t'avais une proximité avec les groupes que tu n'avais pas forcément dans la grande salle. Et moi, c'est ce que j'aime réellement dans le son en live, c'est vraiment l'échange qu'il y a avec l'artiste. Et des très belles rencontres qu'on peut faire comme ça. Moi, je me souviens notamment de Calvin Russell. Donc, ça a dû être aux alentours de 99 ou 2000. Ouais. Et c'était dans la petite salle? C'était dans les grandes salles à la base. Ouais, ouais. Mais comme il n'y avait rien dans la petite salle, en fait, il nous a fait un pré-show parce qu'on était en train de squatter là-bas. Ouais, parce que c'est là-bas qu'il y a le bar. Voilà. Le mec, il nous a pris sa gratte acoustique. Il s'est posé tranquille. Il nous a joué des morceaux pendant 40 minutes. Oui, il était tranquille, quoi. Ah non, mais c'était magnifique. Et puis Calvin Russell, C'est un génie de la guitare, donc c'était quand même super cool. Ouais. Toi, je sais que t'aimes beaucoup cette petite salle aussi. Ouais, alors oui, La Vapeur, moi j'ai deux grands souvenirs dans cette salle, donc un dans la grande, un dans la petite salle. Alors dans la grande salle, j'avais vu Popa Chubby, donc je sais pas si tu vois le physique du bonhomme, donc oui. C'est un grand bluesman, pareil, un très très bon guitariste new-yorkais qui a des bras gros comme mes cuisses, et en fait c'était un super beau concert. Et dans la petite salle, ce qui m'avait vraiment bien plu, c'était Chivari, donc c'était un groupe américain à l'origine, et c'est vraiment, comme tu l'as dit, l'aspect proximité de l'artiste qui avait été super intéressant, parce que c'est un groupe qui a jamais eu non plus un succès énorme, mais qui avait quand même sa petite notoriété, on va dire. La petite chanteuse, elle s'était vraiment bien amusée avec le public, ils avaient fait un concert super bien. Et quelle voix elle a en plus. Ouais, elle chante super bien, les musiciens étaient super sympas, ils sont venus boire leur petite bière après le concert, c'était vraiment un moment sympa. Et ben, en parlant de bière, un groupe qui m'a beaucoup marqué aussi en live, ça a été Stereophonics. Donc, ouais. Beaucoup de monde a oublié l'existence de ce groupe, hein, malheureusement, donc un groupe irlandais qui est venu faire un Maybe concert. Tomorrow. qui est venu faire un concert à Dijon au début des années 2000. Et donc, on a été voir le concert, très sympathique, franchement, hyper bonne ambiance, le public hyper réceptif. En fait, on déconnait à plein tube avec eux et nous renvoyaient l'appareil. Et après, donc, on a été dans un pub irlandais, je serais incapable de dire si c'était le Galway's ou le Kilkenny, qui est un pub que tu aimes beaucoup. Hein. Oui. Et en fait, on s'est retrouvé avec le groupe qui est arrivé juste derrière nous et qui commence à payer coup sur coup à tout le pub. Les mecs ont sorti, enfin même pas sorti les guitares, ils ont chopé une guitare qui passait par là, qui était un pauvre lycéen du coin. Ils ont commencé à péter un concert acoustique en plein milieu, ça a été très très bon esprit. Je suis retourné dans un très très sale état chez moi. Moi qui ai pas l'habitude de boire de la bière, je me suis retrouvé à être obligé de boire des pintes. Des soirées comme ça où justement, après coup, tu t'en rappelles quand tu te dis qu'est-ce que j'ai fait comme bon concert, bah c'est ceux-là qui reviennent. Hein. Ouais, non, moi c'est j'aime, voilà, c'est ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec les artistes où ils se la pètent pas en tant qu'artiste. Ouais. Hein, ça m'est déjà arrivé, notamment avec un groupe français, il y a eu une rencontre un peu difficile. Je tairai le nom du groupe, mais on va juste dire que c'est un groupe français légendaire des années 80. Et Dis. Indochine. Un peu difficile le contact avec Oui. Sirkis. Oui, bah Mais à l'opposé, tu vois, une grande surprise, ça a été David Hallyday. Tu l'as vu où? À Dijon. Et en fait, il y avait le Energy Music Tour en... Ah oui, c'était les podiums fêtes de la musique. Voilà. Et donc, il s'était retrouvé donc en concert devant la gare de Dijon avec... Ouais. Une chanteuse de R&B qui s'appelait Cholama. Et donc en fait, comme c'était devant la gare, moi mon repère à Dijon, toi c'était le Kilkenny, moi c'était un bar qui s'appelle le Bureau. Oui, j'ai bien connu à côté du côté du Cinoche. Tout à fait. Et donc on était avec les potes à la terrasse du Bureau, puis on voyait les rôtis galérer sous la chaleur à tout poser en brûlant au soleil. Ouais. On a eu un peu pitié d'eux. Ouais. Donc en fait, on a pris la voiture, on a été à Monoprix qui était pas très loin, on a pris des packs d'eau, puis on est arrivé, on leur a distribué de l'eau fraîche. Donc les mecs nous ont fait rentrer dans les coulisses, on a discuté tranquille avec les rodis. Et au même moment, en fait, David Hallyday est arrivé pour faire la balance. Le mec, il prend une gratte électrique et il nous sort des riffs, mais alors bien vénère. Il nous fait péter du Nirvana, du Axel Bauer, Éteins la lumière, mais Ouais. à fond les ballons. Avec grosse disto, nous on est tous restés mais totalement ébahis parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Est-ce que tu t'es pas demandé si c'était pas le vrai? Ben en fait le truc où on a eu le doute et puis ça l'a fait marrer, donc il a posé sa guitare, il est venu discuter avec nous, C'est donc cool. les rodis lui ont expliqué voilà, c'est les mecs qui sont venus nous amener des bouteilles d'eau sans qu'on leur demande rien, donc il a commencé à discuter avec nous tranquille. Puis il nous sort, mais vous avez eu l'air surpris de me voir jouer du rock. Puis je lui réponds, bah ouais, franchement, c'est parce qu'on a l'habitude d'entendre venant de vous, quoi. Puis en fait, il m'a expliqué que juste avant de reprendre sa carrière en tant que David Hallyday, donc entre Aïe et puis Tu ne m'as pas laissé le temps, Oui, oula. il est très doux, très très douloureux. Hein. Oui. Et je lui ai dit en face en plus. Vache. Et en fait, il avait un groupe aux États-Unis qui s'appelle Novocaine, qui est un groupe de rock pur et dur, quoi. Donc il a été dans les coulisses, il a pris un CD, il nous l'a filé gratos. C'est cool. Non, non, franchement, Oh, sympa le mec. musicalement, je kiffe pas du tout ce qu'il fait, mais au moins le mec est très très cool. Bah écoute, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus sur les concerts? Le groupe qui m'a le plus épaté, bah, j'en ai déjà parlé dans Mange Disque, hein, c'est Ceux qui marchent debout, donc c'est une fanfare que j'ai eu l'occasion de suivre plutôt sur la fin des années 90, où à chaque fois qu'ils faisaient une date à Paris, donc avec les copains on y allait, on a fait New Morning, aussi des dates très très improbables, notamment à Moirans en montagne où j'avais eu l'occasion de les accompagner. Et t'arrives là-bas en plein milieu du Jura, complètement perdu. C'était un concert gratuit et c'était super bonne ambiance. Et c'est des grands concerts où voilà, quand t'as l'occasion de passer un petit peu derrière le rideau et voir comment un groupe se prépare, etc., etc. C'était vraiment vraiment des super moments. Mais on aura l'occasion un petit peu plus tard de revenir aussi sur d'autres moments de concert qui étaient intéressants, mais on va passer maintenant à ta sélection, notamment à ton premier choix. Alors je vais te laisser présenter le morceau et le groupe. Donc le groupe, c'est tout simplement Dire Straits, et le morceau, j'ai choisi Industrial Disease de l'album Love Over Gold. Donc là, on a écouté Industrial Disease de Dire Straits, tiré de l'album Love Over Gold, qui est en fait le quatrième album du groupe et qui est Ouais. sorti en 82. C'est un album plein d'expérimentations très différentes. En fait, aucune des chansons ressemble aux autres. On trouve que 5 chansons, on a vraiment un style très varié à chaque fois. Donc, In the Sphere Disease, qui est le morceau, on va dire, le plus rock de cet album. En fait, c'est une chanson qui se moque des médias et de la société, qui refuse de voir les problèmes des ouvriers, parce que tous leurs problèmes, en fait, c'est que des maladies professionnelles et on peut rien faire. D'accord, ouais. Et qui était vraiment d'actualité d'accord. à l'époque en, bah en oui, Angleterre. En, hein. en 82, tu tapes pile dans le conflit des mineurs. Voilà, et apparemment, donc, à l'époque, les médias disaient « Oui, mais on peut rien faire s'ils sont pas bien, les mineurs, c'est une maladie professionnelle. » C'est une chanson qui est pourtant, bah, au final, qui est assez joyeuse, on va dire, sautillante. Et le truc, en fait, voilà, c'est que le sujet est super grave. Ouais, bah oui. Mais en fait, c'est l'un des 3 seuls singles qui est sorti de cet album. Bon, sur 5 chansons, 3 singles, c'est pas mal. Hein, c'est un bon ratio. Donc l'autre, l'autre grand single, c'est Private Investigation, qui est une chanson très, comment dire, on va dire jazzy, à l'ambiance. Ouais. Bah, en fait, ça parle d'un détective désabusé, style polar des années 40, et c'est une musique qui serait typique dans cet esprit-là. Et un des morceaux qui, en fait, est pas vraiment sorti en single, mais qui a été, en fait, une chanson adorée par les radios à l'époque, c'est Telegraph Road. Donc, juste 14 minutes, la chanson. Ouais, à mon avis, quand tu tiens une émission de radio à 1h du matin pour pouvoir prendre une bonne pause, tu la mets, t'es tranquille pendant 15 minutes. Si tu veux aller fumer une clope, tu mets ça. Voilà, c'est ça. C'est des chansons des Pink Floyd et compagnie, quoi. C'est parfait. Ça, ouais. Et cette chanson, je la trouve vraiment sublime. Ouais, c'est un grand moment de Dire Straits. Alors en fait, moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas écouté un de leurs morceaux. J'avais oublié à quel point Knopfler, il chante super bien, avec un timbre reconnaissable, mais entre mille. Et surtout, le jeu de guitare qu'il a. Et comme tu dis, Private Investigation, c'est un morceau... Ah bah, quand tu prends il le temps de le réécouter, c'est magique, quoi. Ouais. C'est vraiment super bien... C'est super agréable, petit passage avec à la guitare acoustique, un peu hispanique, c'est voilà, c'est un truc que j'avais vraiment oublié. Ouais. En fait, sur ce morceau, il n'utilise pas moins de 7 guitares différentes. Ouais. C'est pour varier les sons. Il adore les sonorités, il adore une guitare avec résonateur qui donne en fait l'intro. Après, il joue sur une hispanique pour le bridge, le pont. Ouais. On a la partie électrique qui est gérée par 2 guitares différentes parce que en fait il veut des sonorités plus dures d'un côté, plus douces de l'autre. Puis comme tu dis, c'est le jeu. Je sais qu'il y a une grosse hate autour de Dire Straits qui se révèle ces dernières années. Ou pour beaucoup, bah, c'est soi-disant un groupe de merde. Ouais. Non, il y a vraiment, vraiment une. Mais le truc, c'est ce qu'on pourra jamais enlever à Knopfler, c'est que c'est un des guitaristes les plus géniaux de ces 30 dernières années. Il a vraiment un style personnel. Oui, il a sa touche. Ouais, et puis il a une technique incroyable. Faut pas oublier qu'il joue pas avec un médiator, qu'il joue tout au doigt, quoi. Il joue tout au doigt, ouais. C'est assez impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'ils avaient écrit beaucoup plus de chansons pour cet album. Mais ça tenait pas sur le vinyle. Ah bah non, quand t'as une chanson de 14 minutes. Ah, tu peux pas changer la face en plein milieu du morceau. Quoi. Voilà, c'est un peu gênant, quoi que Michael Field l'avait fait avec Tubular Bell, mais. Faut toujours qu'il ait fait un truc bizarre. Mais le truc, voilà, c'est que donc ces chansons qu'il a écrites en plus, elles ont pas été perdues. Parce que la plupart ont été utilisées soit en face B des singles, soit dans d'autres projets de Mark Knopfler, notamment dans les musiques de films. Et il y a une chanson, en fait, qui s'appelait Private Dancer. Quand il a commencé à l'enregistrer, il s'est rendu compte qu'en fait, sa voix collait pas du tout sur le morceau. Puis il avait une copine à lui qui était chanteuse et qui commençait à faire un comeback et qui avait besoin d'un titre, et ben il lui a donné. Elle s'appelait Tina, non? Tina Turner, oui. Donc voilà, quand même, se dire que... Je savais pas que c'était lui qui l'avait fait, celle-là. Si, c'est... Ouais, ouais. C'est en fait pour cet album-là, et comme ça tenait pas, il l'a donné à Tina Turner parce qu'il trouvait que ça allait mieux. Donc cet album, pour beaucoup, il est considéré comme étant un des meilleurs de Dire Straits. Pour expliquer, c'est juste disque de platine en France, double platine... En Angleterre, double platine au Canada. Il est que or aux USA. Ouais. Et partout ailleurs, il est platine, quoi. Donc, aux USA, je pense qu'ils ont préféré le côté bandana fluo de Moi, je pense aussi. Et le pire, c'est que c'est un album où t'en parles aujourd'hui à des gens qui aiment bien Dire Straits. Mm-hmm. Ils le connaissent pas, cet album. Même Telegraph Road, si t'as pas eu l'occasion de les voir en concert, pour revenir à la thématique de l'épisode, c'est donc le morceau qui ouvre quasiment tous leurs concerts. Si t'as pas eu l'occasion de les voir en live, ce morceau, tu le connais pas, quoi. Mais on va passer à ton disque à toi. Ouais, donc moi j'ai choisi pour mon premier disque donc Texas Southside et notamment le gros single de l'époque I Don't Want a Lover. Donc c'était I Don't Want a Lover de Texas. Alors, pourquoi j'ai choisi cet album? C'est assez, on va dire, assez simple. Hein. Bon, c'est quand tu commences à jeter des coups d'œil dans le rétro, que tu traînes un peu dans les bacs. Moi, je l'ai trouvé en brocante vraiment pas cher. C'est une pochette qui est super reconnaissable parce qu'en fait, il y a rien dessus. Il y a juste le nom de l'album, le nom du groupe et un petit sticker contient le single I Don't Want a Lover. Et cet album, moi je l'aime bien surtout pour cette chanson en fait, parce que rien que par cette chanson, j'ai voulu m'acheter un bottleneck pour pouvoir faire l'intro comme le monsieur il le fait à la guitare. Et ça, rien que pour ça, je trouve que c'est fun. Et en fait, je la trouve bien bien agencée cette chanson. Tu vois, c'est comme une chambre bien rangée mais pas trop. C'est le bon équilibre de la bonne chanson, c'est-à-dire elle est bien produite mais pas trop. Il y a juste, à mon avis, un tout petit peu trop de synthé dans le morceau, mais bon, ça c'est aussi lié à la prod donc de cet album. Ouais, j'avais juste aussi oublié à quel point elle chantait bien, parce que dans le reste du vinyle, ben, c'est un petit peu ce lien-là. Je trouve que elle est un petit peu passée à côté par la suite de sa carrière, justement ce côté qu'elle chante bien, elle a des bonnes mélodies. Après, le truc, c'est que l'album, comme tous les vinyles, il y a deux faces. Et quand tu regardes le track listing, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui est allé sur la face B, parce qu'en fait, ils ont mis tous les singles sur la face A. Et la face B, les chansons, faut quand même se l'avouer, elles sont un petit peu moins bonnes. Non pas que j'aime que les gros singles, mais t'as Everyday Now aussi qui ouais, est... C'est ce que j'ai marqué aussi. C'est un album que je trouve globalement bon. Déjà, c'est les... Honnêtement, le plus bluesy est celui où l'influence de Ry Cooder se fait le plus sentir. Ouais. Et puis c'est regrettable que par la suite ils aient perdu cette influence, hein, parce que c'est plus clair, ça a ouais. été, plus mmh. ça a été vers de la pop. Ouais. Le I Don't Want a Lover, c'est clairement, ouais, c'est un copier-coller de ce qu'a fait Ry Cooder sur Paris, Texas, qui donne ouais. le nom au groupe. Hein. Le nom. Ouais. Pareil, je trouve l'album sympa, très bien, ça passe bien, ça m'a fait plaisir de le réécouter parce que j'ai pas réécouté ça depuis très longtemps. Mais en dehors de I Don't Want a Lover et Everyday Now, c'est plus ou moins oubliable. Le problème, c'est que la production est tellement... tu vois, autant on parlait de chansons qui avaient rien à voir de l'une à l'autre sur Telegraph Road, oui. là sur Southside, au final, la production est tellement la même sur tous les titres que... C'est un peu trop uniforme. Ouais, c'est exactement ça. Ça noie à tout, quoi. C'est un petit peu ce que j'avais noté aussi, c'est que c'est très très marqué Rock FM quand même, il faut que ça passe à la radio, donc il y a une production qui est vraiment très très lisse. Alors moi j'ai retrouvé du plaisir à le réécouter aussi pour Fight the Feeling, que j'avais un peu oublié avec le temps, parce que cet album là à l'époque je l'avais en cassette et c'était un peu pareil quoi. Tu écoutes la face A, tu rembobines, tu réécoutes la face A et sans passer à la face B. Mais c'est effectivement le même reproche que j'aurais à faire sur cet album-là, comme tu disais, que c'est un petit peu trop uniforme. Alors pour le coup, on va changer un petit peu de registre avec ton deuxième choix. Donc on va partir sur Hysteria de Def Leppard, et le titre que j'ai choisi, c'est Pour Some Sugar On Me. Yeah. qu'on vient de s'écouter pour Some Sugar on Me de Def Leppard, tiré de l'album Hysteria. Donc cet album, c'est encore une fois le quatrième album du groupe, hein, comme pour Dire Straits, il doit y avoir une thématique cachée là-dedans. Cet album, il date donc de 87 et il est arrivé après donc leur gros succès Pyromania, qui lui date de 83. Mmh. Donc c'est clairement un album qui a eu un accouchement très très difficile. Donc à la base, c'est un album qui est pensé comme la réponse rock à Thriller. Chaque titre chaque titre doit être un potentiel carton en single. C'est une ambition énorme. Et donc, comme je disais, l'accouchement était très difficile. Ils ont commencé à travailler dessus et leur donc légendaire producteur Robert Mutlange, plus connu malheureusement ces dernières années pour avoir produit sa femme Shania Twain. Ah d'accord, ok. Mais Robert Mutlange, c'est juste une légende chez les producteurs, les ingé-sons bien avant Shania Twain, quoi. D'accord. Et ce producteur qui avait fait Pyromania avec eux, qui avait créé le son de Def Leppard, a dû se barrer en plein milieu du projet parce qu'il avait des conflits de calendrier. Après, ils ont eu un petit événement un peu grave. Oui. Un tout petit peu. Donc, Rick Allen, qui était le batteur du groupe, va avoir un accident de voiture le 21 décembre 1984 et il va perdre un bras. Mais quand je dis perdre un bras, c'est totalement. À partir de l'épaule, il est amputé. Ce qui est un peu gênant pour un batteur. Lui, il refuse de perdre sa place au sein du groupe et tous les membres du groupe, ils sont d'accord avec lui. Il est le batteur de Def Leppard et il refuse de le changer, quoi. Ouais. Donc, il se met en tête à chercher un moyen de continuer à jouer de la batterie dans le groupe. Et avec l'aide de Jeff Rich, donc le batteur du groupe Statu Quo, il essaie de voir une nouvelle manière de concevoir sa batterie pour pouvoir jouer quand même. Et il va partir en fait sur un système à moitié digital, enfin numérique plutôt, pour un système de double pédalier et le deuxième pédalier qui remplace toute sa partie bras gauche. D'accord. Donc on se retrouve avec un mec qui a perdu un bras dans un accident grave, qui refuse de se laisser abattre, qui va passer un an et demi à essayer de son nouveau système. Ouais, mettre au point et à changer son jeu de batterie. Ouais. Voilà, et un jour il convoque tous les copains du groupe dans une salle de répète et il va leur jouer l'intro de Led Zeppelin, When the Levee Break. Et en fait, les gars vont halluciner devant ça. C'est devant ce qu'il va réussir à faire. Donc ils lui disent, écoute, nous on est ok, mais tu vas faire une épreuve du feu. Là, on a bientôt le festival Monster of Rock à Castle Donington. D'accord. Tu vas jouer avec nous. Le mec arrive sur scène, commence à jouer son morceau. Avant les dernières notes du morceau, t'as tous les autres musiciens qui s'arrêtent, il finit le morceau, t'as tous les musiciens qui se regardent et qui gueulent dans le micro. Et nous accueillons le retour du dieu du tonnerre. Donc forcément, standing ovation. Tu vois, ça, dans les concerts mythiques, à mon avis, ça devait en être un mot. Clair, ouais. Le mec, avec un bras en moins, bah, il joue aussi bien que n'importe qui. Donc c'est quand même une belle histoire à la base, malgré le drame. Dans la foulée de la standing ovation, Robert John Mutlange réussit à se libérer et dit, bon, bah, on recommence sur l'album Animal Instinct, qui était en fait le nom d'origine de l'album et qui deviendra Hysteria, justement à cause de l'hystérie collective qu'il y a eu autour de l'accident de Et donc ils vont concevoir vraiment chaque morceau comme une individualité pour que chaque morceau soit un carton possible en single. Et là-dessus, on peut dire qu'ils ont plus ou moins réussi parce que c'est quand même considéré comme l'un des albums rock les plus importants du XXe siècle. Et surtout, ben, des morceaux comme Pour Some Sugar on Me, Love Bites ou Hysteria, c'est juste devenu des classiques. C'est que c'est aussi le dernier album avec le line-up original de Def Leppard avec la mort de Steve Clark qui surviendra après, quoi. Et donc, toi, tu veux revenir sur nos vertes contrées françaises pour le prochain? Effectivement, dans le rock francophone, alors avec le morceau Demain c'est trop tard de Starshooter. C'était Demain c'est trop tard de Starshooter. Donc, alors ça c'est un petit coup de cœur parce qu'en rock français on parle toujours des gros piliers que sont Téléphone, Trust à cette époque-là et on nommait souvent Starshooter. Et c'est pareil, c'est un album que j'ai retrouvé en brocante pas très très cher. On l'omet tellement que je l'ai découvert. Oui, c'était une découverte totale pour le coup. Ouais, ça m'étonne pas parce que Starshooter, ou alors ça a un côté un petit peu, je dirais pas mythique, mais le groupe que tout le monde connaît sans connaître, un peu comme Bijou, un peu comme Mark Itzad, c'était un petit peu cette époque-là. Alors le groupe à l'époque, c'était quand même donc fin des années 70, début 80, c'était la pointe du du rock français, hein, avec le son de guitare, il est quand même très très proche de ce que pouvait faire le guitariste de Police à l'époque. Cristallin. Il est très très cristallin, voilà. Et je l'ai choisi parce que, c'est rock sans être rageux. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu, il y a quand même une écriture assez profonde derrière. C'est vraiment ce que j'aime. Et ça joue bien, il y a beaucoup d'énergie et sans être brouillon, c'est ça que je retiens. Par contre, le gros souci, c'est pas nécessairement un souci, mais c'est que c'est pas la grande joie dans l'album. Hein. Donc c'est leur dernier album, ils enchaînaient vraiment énormément de concerts et c'était des concerts qui étaient en général assez épiques. Une chanson comme Mois de mai, c'est super triste, quoi. Ça parle pas mal du train-train quotidien. Moi, j'ai été très, très perturbé par cet album. À quel point, à quel niveau ? En fait, comme tu le dis, le son est très, très de l'époque. Ouais. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Mm-hmm. On peut citer Police dans les références, mais ça fait penser aussi aux morceaux les plus calmes de Téléphone. Et surtout, en fait, j'ai entendu les premières mesures, j'ai fait « Ah, ça peut être sympa ». Et là, j'ai entendu la voix du chanteur et j'ai fait « Oh, merde !» Mais vraiment, et le truc, c'est que la voix du chanteur... Bah, elle correspond pas du tout au style de musique. Exactement. Mais après, au bout de quelques mesures, on s'y fait et ça passe. Et surtout, si elle me disait quelque chose, ça m'a perturbé. Et donc, j'ai vérifié après, et effectivement, le chanteur est pas un inconnu. Donc, le chanteur, c'est Kent, qui se fera surtout connaître fin des années 80, début 90. Après, il est passé plus du côté chanson française traditionnelle, mais il a fait pas mal de singles, notamment Quelqu'un de bien pour Enzo Enzo, et puis pour lui, il a fait aussi deux, trois singles, mais il a une voix qui est super reconnaissable. Oui. Après, il a fait pas mal de BD dans les années 80. Oui. Et il a notamment dessiné la pochette de cet album qui est. Alors, la pochette en elle-même, elle est pas super super, c'est juste un 4 mecs avec des têtes de chien. Je suis beaucoup plus fan de la pochette intérieure où il y a une foule qui est dessinée et qui est sympathique. Il est vraiment chouette. Il a un joli coup de crayon. Pour en revenir à l'album, en fait, c'est un album qui m'a beaucoup plu, malgré le côté que la voix m'a perturbé. Parce que déjà, c'est une chanson, c'est un album qui m'a perturbé dans mon confort. Quand tu chopes des chansons comme Léo Song avec Six ruptures soudaines, tu fais, oh là, il s'est passé quelque chose, ma platine. Ça a sauté. Alors que non, c'est totalement volontaire. Mais voilà, j'aime bien ce genre de petit effet. Ça le fait deux, trois fois et c'est toujours perturbant. Tous les titres, comme tu le dis, il y a des textes très, très riches et des mélodies hyper intéressantes. Non, c'était une très belle surprise. C'est vraiment ce côté-là que j'aime bien. C'est, tu vois, les morceaux comme « Encore compter, toujours compter », ça représente vraiment l'état d'esprit de cette époque-là. C'était, surtout leur envie de changer un petit peu de cycle. Et on se rend compte qu'il y avait beaucoup de groupes qui voulaient changer énormément de choses, donc même si la musique ça permet de changer les choses, on peut pas tout changer. Et oui, mais voilà. Fatigué, le dernier titre de l'album est vraiment chouette. Et Kent après est revenu à une écriture beaucoup plus traditionnelle, il a ressorti un album cette année d'ailleurs. Voilà, donc moi Star Shooter ça a été une grosse grosse découverte à la pochette on va dire, et vraiment à l'intérieur c'est chouette ce que j'y ai trouvé. Par contre, on va rester sur du rock français, mais cette fois-ci plus sur la fin des années 80, si je ne me trompe pas. Là, on est parti pour le tunnel français de l'émission. Ouais. Ah oui, j'avais oublié. Ouais. Et gros tunnel. Pas si gros que ça, mais là, on touche à un gros morceau quand même, un album culte, un groupe culte, même s'il a perdu de sa superbe avec le temps. Le groupe, c'est Noir Désir. L'album, c'est Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Et le morceau choisi, c'est Le Fleuve. On va s'écouter ça tout de suite. Donc là, c'était Le Fleuve par Noir Désir, tiré de l'album Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Donc cet album, tiré de 89, on dit quoi ? On dit que c'est le premier album ou le second album ? C'est le second, hein, pour moi c'est le second. Hein. Beaucoup considèrent que Où es-tu que je regarde est en fait un EP, vu qu'il n'y avait que 6 chansons dessus. Donc Veuillez rendre l'âme, c'est tout simplement l'album qui va les rendre célèbres. C'est un album qu'ils ont enregistré donc en Angleterre. Du coup, bah t'as des sonorités très très anglo-saxonnes. Donc c'est dans cet album-là qu'on va trouver le titre le plus culte pour beaucoup de Noir Désir, qui est Au sombrero de la mer, qui est le morceau que Noir Désir déteste le plus. Non, il est tout simplement, en fait, c'est un morceau qui est hyper sombre, enfin tout l'album hein, est sombre. Oui. On va dire c'est très très pessimiste. Et beaucoup ont pris ça comme limite une chanson à boire de marin. Mais ça a été pris comme ça hein, en même temps que Soldat Louis. Hein. Ce morceau, ils vont carrément refuser de le jouer en live par la suite. Hein, alors que voilà, c'est vraiment un emblème du groupe. Ouais. Pour ma part, l'album, je l'ai découvert à l'époque de Tostaki. J'entends Tostaki à la télé, je trouve ça sympa. Il y avait mon frère aîné, donc j'ai 15 ans de différence avec lui, qui est à la maison au même moment. Je dis, tiens, c'est sympa. Ça, il me dit, bah tiens, tu passeras à la maison, j'ai les albums, je te les prêterai. Et c'est comme ça donc que j'ai découvert toute la disco de Noir Dez d'un coup. Et ouais, Veuillez rendre l'âme, c'est clairement, pour moi, l'un des meilleurs albums de rock français des années 80. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là, sans problème. Malgré le côté très pessimiste, j'adore l'alternance qu'il y a entre les morceaux calmes et les morceaux bien vénères. Oui, alors justement, c'est ça le gros intérêt de cet album, c'est que moi je l'ai découvert par contre encore un petit peu après, c'est-à-dire avec le double live Dies Irae, donc qui a été fait après Tostaki. Oui. Puisque évidemment Tostaki, l'album, pour moi c'est vraiment leur. C'est même pas. Oui, c'est leur pire semaine. Tous leurs. Hein, c'est leur pièce maîtresse. Hein, ouais, enfin, rétrospectivement, chaque album est un peu une pièce maîtresse pour eux, donc c'est un peu bizarre d'en sortir un. Mais pour moi, Dies Irae, c'est vraiment une grosse, grosse découverte, justement, de leur back catalogue, avec notamment Le Fleuve, La Chaleur, Les Écorchés, qui sont. Ces trois morceaux, donc, sont sur l'album que t'as choisi. Et pour moi, c'est vraiment trois morceaux. Qui sont fantastiques d'une part sur le CD parce que moi je l'ai en CD, je l'ai pas en vinyle, mais sur le CD c'est quand tu les écoutes c'est superbe. Et on en revient à la thématique concert, parce que c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois, donc plutôt sur leur fin de carrière, mais dans des conditions bien bien différentes. C'était aux arènes de Nîmes, donc déjà t'imagines le cadre, c'était super beau. Il y avait avant, en toute première partie, alors ça c'est le côté fun du truc, c'est qu'il y a toujours un groupe que tu connais pas mais qui a un nom de scène rigolo, donc c'était My Favorite Dentist Is Dead. Je pouvais pas te dire si c'était bien ou pas, c'était juste, t'as retenu le nom du groupe, c'est le principal. Mais ils avaient derrière Muse, donc qui ouvrait. Oui, et surtout PJ Harvey qui prenait derrière Muse. Oh la vache. Et eux finissaient la soirée. Donc le concert c'était Que du bon. C'était que du bon, voilà. Je les ai vus aussi à un concert, un tout petit festival en plein milieu du Morvan, c'était à Lorme. Alors c'était pour le coup à l'occasion ça change de. Ça change totalement de cadre. Mais c'était génial parce que c'est un concert comme rarement j'en ai fait, dans le sens où j'étais seul à vouloir y aller. C'était en plein milieu de l'été, tous les potes étaient en vacances et moi je me suis dit je m'en fous, je prends ma place, même si je suis tout seul, j'irai les voir. Deux fois où j'ai vu Noir Désir et c'était vraiment des grands moments de musique. Quoi. Et le groupe suivant, est-ce que tu l'as vu en concert? Les Satellites. Bah oui, parle-nous-en. J'ai jamais vu de concert des Satellites. Mais on va s'écouter par contre Les Américains, qui est extrait de leur album Riche et Célèbre. Les maisons sont plus grandes, elles ont plus de confort, les glaces sont plus grosses, donc les gens plus heureux. Les Américains n'ont jamais de problème, ils noient leur chagrin dans le Coca-Cola. Ils ne s'ennuient jamais, car ils ont plein de chaînes et peuvent regarder plusieurs films à la fois. Que c'était Les Américains des Satellites. Donc c'est un album de 1989. Alors c'est un album que j'ai découvert un peu tard, mais pour moi c'est une belle découverte, dans le sens où je connaissais la chanson donc Les Américains depuis très très longtemps, sans avoir retrouvé le groupe. C'est-à-dire j'avais dû entendre à la radio et impossible de remettre la main sur le nom. Et c'est un jour en médiathèque, je feuillette dans les bacs et je retrouve, je me dis tiens, Les Satellites, je retourne la pochette, je dis waouh, Les Américains, c'est eux. Donc je prends le CD, je m'écoute ça, et c'est donc cet album Riche et Célèbre. Alors c'est du rock alternatif, hein, comme j'en ai souvent présenté ici. La petite particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cuivre dans l'affaire et que ça crie quand même un petit peu beaucoup. Moi, c'est un des trucs qui m'a un peu énervé sur cet album. En fait, je vais t'avouer, hein, j'ai pas aimé du tout. Ouais, bah t'as le droit. Ouais, non, les musiciens sont hyper doués. Ouais. D'un point de vue vraiment musique pure, tu peux rien reprocher. Il y a une idée de mélanger à la fois du rockabilly et du funk qui colle à la perfection, mais le problème c'est que la production est tellement plate que ça a un peu tué l'initiative. Ouais, d'accord. Et ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, on a l'impression d'avoir d'aider l'embrouille. C'est rigolo au début, ça, au bout d'un moment c'est un peu lassant, et pareil avec les choristes derrière qui passent leur temps à crier. On a l'impression d'entendre du B-52 dans l'idée, mais l'exécution c'est pas ça, quoi. Bon, pour moi le gros comment dire, je dirais pas le gros intérêt, mais ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que comme tu dis, t'as parlé des musiciens, donc j'ai retrouvé quand même dans le line-up un certain Jean-Michel Lejoux qui est après parti jouer de la basse chez les Vampasses, et surtout le trompettiste Bruno Gautron qui est parti donc chez Ceux qui marchent debout peu de temps après. Donc quand je les ai retrouvés un petit peu dans leurs premières années musicales, ça m'a fait marrer. Alors après, comme tu l'as dit, sur cet album, tout n'est pas parfait. Ça c'est clair. Le gros souci, c'est la production. Moi, j'adore, donc comme je t'ai dit, la chanson Les Américains, parce que ça pose direct les pieds dans le plat sur l'American Way of Life. Après, il y a une super reprise, je trouve, des Ludwig van 88 avec le fameux Fistfuck Playa Club. C'est bien sympathique. Mais bon, il y a des morceaux comme Renard 3, j'ai absolument rien compris à ce qu'il voulait dire avec ou le comte Zaroff. Oui, voilà, exactement. Non, c'est assez inégal. J'ai pas compris, le comte Zaroff, je connais l'histoire de base, mais là, j'ai pas compris pourquoi. Mais ok, c'est pas un problème, mais vraiment, ouais, c'est dommage qu'il y ait une telle production. En fait, on sentait que le producteur était vraiment pas motivé, quoi, qu'il a juste appuyé sur record, puis débrouillez-vous. Donc, ce qui donne un effet, en fait, très groupe de balle, alors que, honnêtement, les musiciens sont bien meilleurs que ça. Ouais. Et puis, le problème d'un groupe de balle, il n'y a aucun problème à être un groupe de balle, mais ça perd beaucoup de son intérêt si c'est pas en live. Et ça, en concert, ça devait être excellent à écouter, quoi. Ouais, de toute façon, à cette époque-là, je pense que les concerts de rock alternatif, c'était... C'était sportif. Oui, je pense aussi, oui. Bon, on va passer donc à ton prochain choix, qui va être cette fois-ci un petit peu plus... Un petit peu plus années 90, un peu plus réédition, et un peu plus, surtout, plus doux. Oui, ah oui, nettement plus doux, oui. Parce qu'on va donc s'écouter Sophie Zelmani, qui va nous chanter I'll See You in Another World, tiré de l'album éponyme Sophie Zelmani. These get to my senses. I see to the old buried lost in golden times of when I remember how I used to talk to my heart. Seems to be easy now and ever. I need to cry, I hide. It's too late to get back. Looking for overgrown tracks. I see you in another world. Donc cette chanson s'appelle I'll See You in Another World et c'est chanté par Sophie Zelmani. Donc pour moi, c'est juste l'artiste la plus importante personnellement, quoi. Humainement importante pour moi, quoi, en fait. C'est tu vois, on a tous des artistes qui ont une importance parce qu'on aime leur musique et compagnie. Elle, c'est un peu plus loin que ça. Déjà, c'est une artiste que j'ai découvert donc dans le Hit Machine en 95. Alors ça s'est passé au Hit Machine. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Voilà, donc on rappelle à ça, si on a des petits jeunes qui nous écoutent, le Hit Machine, pour expliquer, c'était donc l'équivalent du Top 50, mais avec quelques lives en plein milieu. Des faux lives, tu veux dire? Non, il y avait des vrais lives. Ah, il y avait des vrais. Oui, quand les musiciens étaient des vrais musiciens, ils pouvaient. Quand c'était les To Be Free, c'était du... C'était déjà plus compliqué, on est d'accord. Donc, pour expliquer, en fait, le problème du Hit Machine, c'est qu'à l'époque, donc, on avait soit des faux rockers aux cheveux gras, qui beuglaient dans des micros, soit des boys band chemise ouverte qui savaient pas chanter, soit des teutons à gros tétés qui gueulaient sur de l'électro. Tu caricatures, mais c'était pas loin. Et le truc, en fait, c'est que donc je revenais de mes vacances au Portugal un été. Je passe voir un de mes meilleurs amis de l'époque chez lui. C'est un samedi matin, donc on se pose dans sa piole, on discute de comment s'est passé nos vacances. On met le Hit Machine en fond sonore. Et là, en fait, je découvre Sophie Zelmani, donc on va dire physiquement charmante hein, quand même. Mais surtout, en fait, c'est qu'elle était à contre-courant de tout. Tu vois, j'ai encore des souvenirs d'elle dans sa petite robe bleue assise sur un tabouret avec ses deux guitaristes de chaque côté quoi. Et ça t'a perturbé? Bah ça, c'est pas que ça m'a perturbé, ça t'a retourné. Ouais voilà, c'est voilà, de nature je suis introverti. Mm-hmm. Sophie Zelmani, même si ce premier album a des sonorités très pop, c'est ce qu'on appelle une songwriter, donc vraiment un auteur-compositeur qui travaille dans le folk. Bob Dylan va juste dire d'elle qu'elle est l'une des artistes folk les plus importantes du début du 21e siècle. Rien que ça. Quand c'est Bob Dylan qui le dit. Donc le truc, c'est que Sophie Zelmani, c'est aussi quelqu'un qui est d'une timidité maladive, qui est introverti. Mm-hmm. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui m'a plus marqué. Les songwriters, j'en connaissais déjà, ne serait-ce qu'en songwriter français, t'as Renaud par exemple, qui était déjà un incontournable à l'époque. Mais elle, ce qui a fait l'effet en plus, c'est que personnellement, ça a connecté. Mm-hmm. Et j'avais une personne comme moi qui chantait. Ça a déclenché quelque chose en moi, vraiment. Mm-hmm. Ça m'a fait comprendre que la musique, c'est pas uniquement des notes et puis de la batterie, c'est aussi des histoires. Et qu'il faut parfois pas plus qu'une simple guitare et des accords très simples pour raconter ton histoire. Et en fait, c'est à cause de Sophie Zelmani que j'ai commencé à m'ouvrir, réellement. Mm-hmm. Elle est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres de qui je suis. Tout sans mince. Tout simplement. On lui doit tout alors. Moi, je lui dois tout. Ouais. Vraiment, aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés, je les dois beaucoup à elle. Le truc, c'est que c'est à cause d'elle que j'ai commencé à jouer de la guitare. C'est à cause d'elle que j'ai commencé à écrire des chansons dans un premier temps. Et que j'ai compris qu'en fait, mon média, quoi, c'est pas la chanson, clairement. D'accord. Moi, je suis là pour raconter des histoires, mais chanson, c'est pas suffisant pour moi. Et c'est quelqu'un qui vraiment a déclenché beaucoup de choses. Mais c'est un album que j'aime beaucoup, que je réécoute beaucoup. Sophie Zelmani a continué sa carrière. Donc en France, on a juste retenu un titre d'elle qui a été Always You, qui a été un carton à l'époque. Mais il faut savoir qu'en Suède, donc elle est suédoise, la demoiselle, chaque fois qu'elle sort un album, elle finit première du top à chaque fois. C'est carton. Ouais, et c'est des cartons internationaux. En Allemagne, elle est adulée et compagnie, quoi. J'ai d'ailleurs vu en concert en Allemagne. Elle est tellement timide en fait qu'elle veut pas faire de live. Elle a mûri en faisant de la musique. Moi j'ai mûri de mon côté. Les histoires en fait qu'elle raconte aujourd'hui correspondent à l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais, je me retrouve beaucoup dans son univers. Et le truc c'est qu'elle m'a ouvert en fait tout un univers musical, parce que la folk et puis même l'univers des songwriters, c'était pas forcément un truc que t'écoutais beaucoup quand t'es adolescent. Ouais, ouais. C'est pas le style sur lequel tu te tournes de manière naturelle. Ouais, et voilà, moi c'est grâce à elle que si aujourd'hui j'écoute des gens comme Bob Dylan, si j'écoute du Leonard Cohen et compagnie, quoi. Et franchement, ne serait-ce que pour ça, je la remercie, quoi. Ouais, et toi, tu l'as écouté, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, alors moi je l'ai écouté, mais alors vraiment ce qui m'a le plus frappé, c'est la voix. Parce qu'elle a vraiment une très très belle voix, c'est super propre et c'est surtout très très bien, j'ai vraiment bien aimé au niveau de la mélodie. Je dirais juste que tous les codes de la musique folk sont là et sont super bien tenus. C'est doux, calme, ça coule tout seul, ça s'écoute vraiment bien. Moi, tout ce qui me manquait un petit peu pour vraiment que je décolle sur cet album-là, c'est que ça manque un tout petit peu de relief. Oui. Je trouve juste que les morceaux sont un petit peu tous dans le même état d'esprit, mais par contre, ils sont vraiment tous très très bien faits sans être, entre guillemets, trop bien produits ou trop ceci. C'est vraiment juste comme il faut partout. Et ce qui m'est venu en tête, c'est PJ Harvey et Heather Nova. Ben, c'est tout à fait dans un autre style. Mais sur la démarche, c'est exactement la même chose, oui. Exactement. Et c'est des artistes que ça, j'ai découvert grâce à Sophie Zelmani, quoi. Et Sarnova. Ouais, et ça m'étonne pas. Fiona Apple aussi. Oui, exactement. Jules. Fiona Apple, ouais. C'est comme tu dis, c'est un album qui est correct. Où il y a quelques titres qui émergent plus, notamment Always You, qui a été le carton plein à l'époque. Moi, j'ai bien aimé You and Him aussi. Et ce morceau au final, donc I'll See You in Another World, qui est vraiment pour moi une signature pour clôturer ce disque qui est parfaite, quoi. Il me semble qu'elle a sorti un album récemment. Oui, elle a sorti donc son 12e album. Ouais. Quand même. Non, mais elle a une vraie carrière. Ah oui, c'est clair. Et qui est très très bien aussi, mais là, comme en fait, pour le Record Store Day, donc pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une fête annuelle où, où les disquaires font découvrir des nouveaux disques. En fait, ces trois premiers albums qui étaient sortis uniquement au format CD sont sortis au format vinyle. Donc c'est pour ça que je me permets d'en reparler. Quoi. Et toi, ta réédition, pour moi, ça sera pas une découverte. Hein, mais... Alors, pour beaucoup de gens, ce sera pas une découverte. Mais quel album Quel album, exactement? Alors, c'est évidemment un gros, gros album des années 90. Donc, c'est Melancholy and Infinite Sadness des Smashing Pumpkins. Et on va s'écouter Stumbling. Sally's in the stirrups, claiming her destiny. Nobody nowhere understands anything about me. Donc c'était Stumbling des Smashing Pumpkins sur l'album Melancholy and Infinite Sadness. Alors c'est un disque qui fait partie effectivement du paquet que j'ai acheté avec ma première paye dont j'avais parlé dans le numéro précédent. J'ai l'impression que à chaque fois qu'ils ont tous touché à un style sur cet album, ils ont posé un maître étalon dans ce style-là, et c'est tout l'intérêt de ce disque. C'est-à-dire qu'il y a une variété de styles qui sont abordés par le groupe qui est juste folle. C'est-à-dire t'as du gros grunge, t'as de la pop, du pop rock, on va dire assez conventionnel. Il y a des morceaux qui sont très axés sur les cordes, il y a des balades au piano, des morceaux très énervés, des morceaux hyper doux. Ne serait-ce que les deux plus célèbres de l'album, donc Bullet with Butterfly Wings et Tonight, qui sont quand même diamétralement opposés au niveau à la fois des styles et à la fois des rythmiques. Non, c'est juste l'un des plus grands albums du monde. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, je me suis un petit peu replongé sur l'histoire de l'enregistrement de cet album, et à savoir qu'ils avaient plus de 55 morceaux prêts pour l'album. Écrit en un an. Oui, voilà. J'ose même pas imaginer combien de temps ils ont pu passer en studio à faire, parce qu'il y a des morceaux, notamment Zero, où je sais pas combien il y a de pistes de guitare sur ce morceau, mais ça doit être une folie ultime. À savoir que c'est une prise de risque, enfin artistique, hein, parce que c'était un groupe qui était très très axé grunge, donc avait eu quand même déjà des bons succès, enfin qui était déjà bien installé, et se permettre de sortir des morceaux très très balades, comme Stumbling qu'on a écouté, ou alors 33, ou dans le même moule, t'as 1979, qui sont entre guillemets un petit peu éloignés de ce qu'ils ont l'habitude de oui, faire non, au début de leur oui, carrière. Non, parce que tu prends sur CNS Dream, donc l'album précédent, il y avait déjà 10 armes, qui était dessus, qui était très calme. Mais justement, moi, j'ai découvert les Smashing avec Siamese Dream. Et donc, le jour où j'ai entendu Melancholy and the Infinite Sadness, donc on m'a posé le disque, je me suis assis, j'ai fait waouh. Je m'étais pris un truc comme jamais je m'étais pris dans la gueule à l'époque. C'est Corgan le dit lui-même, en fait, il a voulu faire le The Wall de la génération X. L'histoire dira si l'album restera aussi mythique que peut l'être The Wall. C'est un album qui est extraordinaire. J'ai pu le découvrir cet album à la base. C'est moi qui devais en parler lors de ce manche-disque et puis je t'ai passé la main. Exactement. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que quand j'ai racheté une platine vinyle il y a quelques années, parce que les vinyles revenaient bien à la mode, l'un des premiers disques que j'ai acheté, ça a été la réédition en 4 vinyles de Melancholy. En fait, la version d'origine était en 3 vinyles et là, la réédition est en 4. Et ce qui colle beaucoup mieux, d'accord, en fait, Oui, puisque l'album a été fait en deux CD, en fait. Mais la première version, en fait, du vinyle, j'ai pu l'avoir en main aussi, vu que mon frangin l'a. Mm-hmm. Et le truc, c'est que le track listing n'est pas du tout le même. Peut-être qu'avec les durées, ils ont été obligés En fait, le morceau est pensé pour être différent en vinyle et en CD à la base. Et, parce que chaque CD parle, on va dire, d'une journée qui correspond à une vie. Mmh. Et donc le premier CD commence à l'aube de la vie et donc le dernier se finit au crépuscule. Et donc la nouvelle version vinyle respecte ça, tandis que l'autre, non, c'était pas du tout ça. C'est assez fou, en fait, quand tu refous la main dessus. Ah, je connaissais pas cette petite anecdote. Mais vraiment excellent. Sur les éditions. Mais vraiment un excellent album. Hein. C'est un album qui est parti d'une ambition démesurée et de voir qu'on peut toucher au but justement quand on a quand on se fixe des objectifs aussi difficiles, c'est vraiment vraiment chouette parce que dire que c'est aussi bien que The Wall, moi de toute façon c'est incomparable. Enfin les deux albums sont. Mais on peut pas les comparer. Ouais. C'est l'épreuve du temps qui dira si ça mérite un statut aussi culte. Donc c'est Billy Corgan qui est. Quel moteur de Smashing Pumpkins, c'est indéniable, tout comme Freddie Mercury, elle était pour Queen. Mais là, sur Melancholy, tu sens vraiment que le groupe était soudé. Ça a été une des rares fois, Ouais. Ça donne quelque chose de formidable. Bon, on va passer au hors-sujet, donc, et je te laisse la main pour le premier. C'est une OST de film qui raconte un peu ce genre d'histoire où une chanteuse va devenir très importante pour une personne. Donc le film, c'est Phantom of the Paradise, qui est un film culte de 1900, des années 70. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Yecha et à Mr. Whis qui adore ce film-là. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Somebody Special. Protect us and feed us and help us to make up our minds. We need a man that's sophisticated, quiet and strong and well educated. Where to go? What to do? Could it be somebody super? Donc on vient d'écouter Somebody Special tiré de l'OST de Phantom of the Paradise par Paul Williams. C'est un morceau très très rock hein, quand même. Donc est-ce que tu as déjà vu ce film d'ailleurs, pour commencer ? Eh ben justement non, quand tu l'as mis en OST donc pour préparer l'épisode. Évidemment j'ai écouté l'album mais je l'ai pas encore regardé. Bah ça m'a quand même vachement donné l'eau à la bouche. Hein. Je te laisse en parler et je te donnerai mon retour. Donc Phantom of the Paradise c'est un film de Brian De Palma et c'est une histoire de musique. C'est l'histoire de l'homme qui a écrit la musique, c'est l'histoire de la femme qui l'a chantée et de l'homme qui l'a volée. C'est en fait un jeune compositeur qui a écrit une cantate sur Faust, qui la propose à un producteur, qui va lui voler sa chanson, l'envoyer en prison pour pas se faire trop embêter, on va dire, par la justice, et qui va corrompre cette musique en la rendant plus pop et plus accessible. Voilà. Et donc le musicien, en entendant un de ses titres massacré, donc Weed Slowly, le musicien, en entendant un de ses titres massacré par un groupe pop style les Beach Boys, va péter un plomb à Sing Sing. Donc Sing Sing, hein, dans un film musical quand même, on remarquera la petite note. Il va s'échapper de la prison, il va aller péter l'intégralité des vinyles pressés dans les usines, et il va se retrouver en fait la tête coincée entre une presse à vinyle. Tombé dans le fleuve, tout le monde pense qu'il est mort, mais en fait, il va hanter le Paradise, qui est donc la boîte de nuit qui a créé Swan, qui est le producteur qui a volé la musique. Et la relation entre Swan, Phoenix, donc une jeune chanteuse dont Winslow tombe amoureux, et Winslow, justement, ça crée une relation assez étrange. Il y a beaucoup de mysticisme, et c'est un film totalement fou, incroyable visuellement et musicalement. Paul Williams qui a écrit l'intégralité des chansons. Et donc Paul Williams, c'est juste le type qui a écrit le générique de La Croisière s'amuse. Aucun lien. En fait, le mec, c'est une méga star aux États-Unis. Donc il a une grande carrière. C'est un enfant star à la base de la musique. Et justement, le personnage qui joue donc dans le film, c'est le personnage de Swan, qui est aussi un enfant star qui a vieilli et qui essaie de garder sa gloire. Quoi. C'est le personnage collé à la réalité, on va dire. Et là, ce qui est fou dans cette OST, c'est que t'as les chansons, tu as donc une version telle que Winslow l'a créée, telle que Swan l'a corrompue, et t'as la version en fait où Swan et Winslow collaborent pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est assez fou, quoi. T'as beaucoup de chansons qui se répondent comme ça Se répondent entre elles. C'est incroyable. C'est vraiment une excellente OST pour un excellent film. Et une très belle balade aussi en plein milieu, Old Souls. C'est à la croisée du glam rock un peu lyrique. Et je trouve que c'est vraiment de l'opéra rock vraiment bien agencé, quoi. Il y a des morceaux qui sonnent très beau, oui. Et moi, clairement, ça m'a, comme je t'ai dit, hein, ça m'a ouvert l'appétit pour. pour aller voir le. Pour voir et ce t'as film, pas idée, quand clair. Tu verras le film, qui d'ailleurs est ressorti en format Blu-ray chez un petit ouais. éditeur qui s'appelle Carlotta, ils ont fait une édition qui est absolument superbe, donc je vous conseille d'y jeter un œil très vite. En fait, t'as donc une scène dans ce film. Dis-toi que le film a été fait avant que Kiss commence leur carrière. D'accord. Et quand tu verras, ouais, un gros quand tu verras la scène, tu vas faire, on dirait du Kiss. Bah, ils ont tout pitché, quoi. Bah, eux disent non. Mais j'ai été lire le synopsis et en fait, ça m'a vachement donné envie de le voir aussi, hein, parce que c'est un mélange du fantôme. C'est clairement une belle histoire. C'est le mélange du fantôme de l'opéra et de Faust, tout simplement, quoi. Mais c'est vraiment un film extraordinaire, quoi. C'est pour moi un des films à voir, quoi. Et donc pour leur sujet, tu nous parles de quoi ? Alors pour leur sujet, vu qu'on a ouvert sur Dijon, je me suis dit on va clore sur aussi un artiste de la ville que j'ai découvert au début des années 2000. Donc on va s'écouter La Fleur de l'Âge d'Yves Jamais. Ne me dites pas qu'à peine éclose, la fleur de l'âge se flétrit. Je vis avec ce genre de rose au parfum tout juste fleuri. Le temps qu'il a mis à figer sur son regard quelques ridules. D'autres ont tenté de les cacher en maquillage ridicule. Mais sur la jeunesse suppose quelques atouts innocents qui font que le regard compose. C'était La Fleur de l'Âge d'Yves Jamais, extrait de l'album De Vert en Vert. Donc ça c'est un tout autre style avec la chanson française. On ne peut plus traditionnel, hein. Je voulais en parler depuis un petit moment. Parce que c'est un artiste dijonnais donc qui a mûri au début des années 2000. Alors une formation très très classique et avec de l'accordéon, vous avez tous les codes de la chanson française traditionnelle. Mais ce qui fait mouche, c'est les textes et surtout à cette époque-là. Et puis surtout la voix. Quelle voix ! Exactement. Oh, ouais, il a une super voix. Et en fait le gros intérêt moi que j'avais trouvé à l'époque dans son écriture, c'est que c'est ancré dans le quotidien et surtout ça parlait de rue, ça parlait de bars qu'on connaissait, qu'on côtoyait à Dijon, dans les galères de boulot, les accidents de cœur, les soirées où t'as un peu trop picolé. Donc c'est ça vraiment que j'aimais dans ce que faisait Yves Jamais, ce qu'il fait toujours parce qu'il continue à sortir des disques. Et à l'époque je m'étais vraiment très attaché à cet artiste. Parce qu'on avait donc lui qui était en train de percer. Il y avait aussi les joueurs de Bic. Je sais pas si t'as connu à l'époque dans le groupe, il y avait Bastien Lallemand qui maintenant est bien installé aussi dans la chanson française. Et c'est vraiment un moment de ma vie où j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la chanson traditionnelle. Et justement parce que ça parlait de nos vies. Et c'est ça qui me parlait bien, quoi. Une chanson ce que je disais tout à l'heure pour les songwriters, c'est vraiment faut quelqu'un à qui tu connectes avec l'univers. Et clairement, Yves Jamais, tu comprends mieux maintenant à nos âges que si on avait eu 12 ans à l'époque, quoi. Bah oui, bah bien sûr. Concernant Yves Jamais, moi, ça a été une découverte, on va dire, assez récente, en fait, cet artiste. Mm-hmm. Je l'ai découvert grâce à Jean-Félix Lalanne, donc le frère de celui qui brisera l'anathème. Oui, c'est vrai. Donc j'ai single, hein. Donc Jean-Félix Lalanne, c'est pas un inconnu, hein, loin de là. C'est juste l'un des plus grands guitaristes acoustiques en français. Ouais, c'est clair. C'est le mec qui a une touche qui est ahurissante. Et donc il a sorti en 2013 un album qui s'appelle Une guitare, une voix. Ah oui. Et justement, Yves Jamais reprenait dessus Mes emmerdes. Et donc là, c'est la première fois que j'ai écouté un album de lui. Et c'est son premier, hein. C'est son tout premier album. Et franchement, c'était cool, quoi. Ouais, c'est cool, hein. C'est vraiment chanson française traditionnelle et c'est la vie de tous les jours. Et c'est pour moi, c'est vraiment sympa parce que ça me reconnecte direct avec mon passé à Dijon. Et j'espère que ceux qui y vivent encore. Vous écoutez encore un petit peu d'Yves Jamais et que vous allez boire des coups dans le. Oh, ça serait étonnant que ça passe pas au Vieux Léon ou des trucs comme ça. C'est typique le style. Oui, c'est mais le truc aussi qui est très intéressant avec cet album, c'est que en fait, Yves Jamais est absolument pas misérabiliste. C'est. Ah oh ben non. Il y a de la tristesse quand faut avoir de la tristesse. Il y a de la mélancolie, c'est sûr. Mais hein, parce que tu peux pas avoir l'alcool bon tous les jours. Mais tu prends des chansons comme Ok, tu t'en vas. Alors c'est marrant que t'en parles parce que justement quand je suis parti De Dijon, c'est ce que m'ont chanté mes anciens camarades de groupe dans un studio de répétition de la vapeur. Donc la c'était boucle est bouclée. Où la boucle est bouclée, voilà, exactement. Bah comme ce numéro d'ailleurs. Sur quoi on va clôturer? Est-ce qu'on clôture sur un petit Private Investigation? Est-ce que oh, ça moi ça me va très bien, j'adore ce morceau. Ouais, donc. Peut-être pas en entier, mais parce que ça fait un peu long. Ah bah, un morceau de 6 minutes. Hein. Donc, bah écoute, Spades, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro. J'espère que bah, vous avez pris plaisir comme moi et comme nous. Et on va se retrouver, bah, j'espère, très bientôt pour la suite des aventures de Manche Disque. Allez. Spades, à la prochaine. Allez, ciao.